Toute petite, elle s'était prise dans de ces amours d'enfant qui ont à la fois la pureté d'une religion et la violence d'un besoin. L'absence l'avait idéalisé dans son souvenir. Il revenait avec une sorte d'auréole et elle se livrait ingénument au bonheur de le voir. Pour la première fois de sa vie, Frédéric se sentait aimé. Et ce plaisir nouveau, qui n'excédait pas l'ordre des sentiments agréables, lui causait comme un gonflement intime, si bien qu'il écarta les deux bras en se renversant la tête. Un gros nuage passait alors sur le ciel. « Il va du côté de Paris, » dit Louise. « Vous voudriez le suivre, n'est-ce pas ?»« Moi ? Pourquoi ?»« Qui sait ?» Et le fouillant d'un regard aigu. « Peut-être que vous avez là-bas ?» Elle chercha le mot. « Quelque affection ?»« Eh, je n'ai pas d'affection. »« Bien sûr. »« Mais oui, mademoiselle, bien sûr. » Frédéric jura qu'il l'aimait beaucoup. « Est-ce vrai ? » s'écria-t-elle, en le regardant avec un sourire qui éclairait tout son visage, un peu semé de taches de sang. Il ne résista pas à cette bravoure de sentiment, à la fraîcheur de sa jeunesse, et il reprit. « Pourquoi te mentirais-je ? Tu en doutes, hein ?» en lui passant le bras gauche autour de la taille. Un cri, suave comme un roucoulement, jaillit de sa gorge. Sa tête se renversa, elle défaillit, il la soutint. Et les scrupules de sa probité furent inutiles. Devant cette vierge qui s'offrait, une peur l'avait saisie. Il aida ensuite à faire quelques pas, doucement. Ses caresses de langage avaient cessé, et ne voulant plus dire que des choses insignifiantes, il lui parlait des personnes de la société nogentaise. Tout à coup, elle le repoussa, et d'un ton amer. « Tu n'aurais pas le courage de m'emmener. » Il resta immobile, avec un grand air d'ébahissement. Elle éclata en sanglots et s'enfonça sa tête dans sa poitrine. « Est-ce que je peux vivre sans toi ?» Il tâchait de la calmer. Elle lui mit ses deux mains sur les épaules pour le mieux voir en face et, dardant contre les siennes, ses prunelles vertes, d'une humidité presque féroce. « Veux-tu être mon mari ?»« Mais, » répliqua Frédéric, cherchant quelque réponse. « Sans doute. Je ne demande pas mieux. » À ce moment, la casquette de M. Roch apparut derrière un lilas. Mais, après que le père Roch lui a fait visiter son domaine, Frédéric invoque des histoires à régler sur Paris et s'en va.